Job chapitre 32. Alors ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se croyaient un homme juste. Et Eliu, fils de Barachéel, Buzite, de la famille de Ram, fut embrasé de colère contre Job, parce qu'il se justifiait plus qu'il ne justifiait Dieu. Sa colère fut aussi embrasée contre ses trois amis, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de quoi répondre, et toutefois ils avaient condamné Job. Or Eliu avait attendu que Job eût parlé, à cause qu'ils étaient tous plus âgés que lui. Mais Eliu voyant qu'il n'y avait aucune réponse dans la bouche de ces trois hommes, il fut embrasé de colère. C'est pourquoi Eliu, fils de Barachéel, Buzite, prit la parole, et dit, « Je suis moins âgé que vous, et vous êtes fort Dieu, c'est pourquoi j'ai eu peur, et j'ai craint de vous dire mon avis. Je disais en moi-même, les jours parleront, et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. L'esprit est bien dans les hommes, mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui les rend intelligents. Les grands ne sont pas toujours sages, et les anciens n'entendent pas toujours le droit. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, et je dirai aussi mon avis. Voici, j'ai attendu que vous eussiez parlé, j'ai prêté l'oreille à tout ce que vous avez voulu faire entendre, jusqu'à ce que vous avez eu examiné les discours. Je vous ai, dis-je, bien considéré, et voilà, il n'y a pas un de vous qui ait convaincu Job, et qui ait répondu à ses discours. Afin qu'il ne vous arrive pas de dire, nous avons trouvé la sagesse, savoir, que c'est le Dieu fort qui le poursuit, et non point un homme. Or, comme ce n'est pas contre moi qu'il a arrangé ses discours, ce ne sera pas aussi selon vos paroles que je lui répondrai. Ils ont été étonnés, ils n'ont plus rien répondu, on leur a fait perdre la parole. Et j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils n'ont plus rien dit, car ils sont demeurés muets, et ils n'ont plus répliqué. Je répondrai donc pour moi, et je dirai mon avis. Car je suis gros de parler, et l'esprit dont je me sens rempli me presse. Voici, mon ventre est comme un vaisseau de vin qui n'a point d'air, et ils crèveraient comme des vaisseaux neufs. Je parlerai donc, et je me mettrai au large, j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai. À Dieu ne plaise que j'ai acception des personnes, je n'userai point de mots couverts en parlant à un homme. Car je ne sais point user de mots couverts, celui qui m'a fait, m'enlèverait tout aussitôt.